Voyons. C'est la chronique de la Ligue nationale de hockey avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, je parlais avec. Hier, j'ai eu Mario Tremblay en entrevue parce que tu sais que Mario, il va être intronisé au Temple de la renommée de la Ligue de hockey junior du Québec. Puis l'autre jour, je parlais avec Yves Bolduc, qui est mon chroniqueur et la JMQ. Puis Yves, il me disait, on parle bien de Marc Fortier, mais Patrice Tremblay devrait être aussi être reconnu, là. Puis est-ce que tu étais son compagnon de trio? Tu dois sûrement être d'accord. Ah oui, absolument, absolument. Patrice est un marqueur remarquable. Écoute, dans ses années avec les Saguenayens, là, il y a eu quand même des campagnes de 60 et 17 buts, 75 buts, je pense près de 60 pour une autre année. Alors, un gars qui réussit à marquer pas loin de entre 150 et 200 buts dans sa carrière junior mérite d'être considéré 100%. Oui, je suis d'accord avec ça. Patrice, c'était son gabarit, hein? Oui, c'est un gars qui faisait 5 et 6, 5 et 7, peut-être un 160 livres. Tu sais, à cette époque-là, là, on se ramène dans les années 80. On se souvient, là, pour la Ligue nationale, c'était les Boeufs de l'Ouest, les Ouais. gros défenseurs d'au-dessus de 6 pieds, au-dessus de 200 livres. Alors, moi, écoute, dans mes années juniors, là, je faisais 6 pieds, 192, 195 livres, et j'étais considéré comme un petit joueur, là. Alors, c'était vraiment difficile pour cette génération de petits joueurs-là. OK. Donc, on va y aller maintenant avec la Ligue nationale de hockey. Je suis content, Marc, pour ton parce que c'est un ami personnel à toi, Marc Bergevin. Parce que pourquoi? Parce que Marc, écoute, on l'a brassé, je l'ai critiqué. Moi-même, je plaide coupable. Mais le gars, je sais que c'est un good guy. Là. Ça semble vraiment une bonne personne. Rien qu'à le voir à la TV, puis ça semble vraiment quelqu'un de bien. Puis je suis content qu'il y ait un break un peu parce que. Ça devait pas être facile pour lui, là. Écoute, je soupçonne les Canadiens d'avoir amené Guy Lafleur au centre de la patinoire. Tu te rappelles là, ça au début de saison, là? Pour Ouais. pas que Marc Bergevin soit hué. Ben, c'est sûr et certain. Écoute, Ouais. quand on décide d'être un coach ou directeur gérant dans la Ligue nationale, il faut faire face à la critique. Puis que tu sois un bon gars ou un mauvais gars dans la vie, on s'en fout pourvu que les résultats soient là, si tu veux. Alors, les gens ont été sévères envers Marc. Et puis, tantôt avec raison, tantôt peut-être des fois c'était un petit peu exagéré, mais. Quand il fait des mauvais coups, on n'hésite pas à lui dire, mais quand il fait des bons coups, il faut quand même le reconnaître. Et puis, je crois que dans la situation de Pacioretty et Galchenyuk, force est d'admettre que, comme c'est là, c'est des bonnes décisions qu'ils ont prises. Si tu regardes Pacioretty juste avec Domi, c'est déjà là, on sort dans une situation qui est au moins gagnante pour les deux équipes, mais surtout pour le Canadien. Puis si on regarde dans celle de Galchenyuk, les gens, comme c'est là, sont contents quasiment juste de Tatar contre Galchenyuk. Puis il faut se rappeler qu'il y a quand même je crois que c'est un choix de deuxième ronde avec ça. Il y a un jeune joueur. C'est tout un échange, là, si on regarde ça aujourd'hui. Alors, c'est profitable pour le Canadien. Les Canadiens sont en train de se refaire une bonne banque de choix. Ils ont eu d'excellents choix l'année passée, spécialement en allant chercher Kotkaniemi, qui va être un joueur d'avenir. Alors, c'est prometteur pour le futur du Canadien, et tant mieux pour Marc Bergevin s'il peut respirer un peu. Et Marc aussi, écoute, l'année passée, à pareille date, soyons honnêtes, Marc, il y avait, on voyait pas d'avenir. Tu sais, en regardant le Canadien, il n'y avait aucun avenir, là. Tu pouvais pas. À Laval, c'était très pauvre. C'est encore très pauvre cette année, mais c'est parce que les joueurs qui ont été repêchés sont pas arrivés encore. Il y en a un là, qui semble avoir une bonne année, c'est un défenseur, c'est Caden Fleury. Je suis ça pas mal là, ce qui se passe à Laval. Mais par contre, on n'en voyait pas. C'était des McCarron, des Sherbach. Puis là, ce qu'on voit depuis 2 ans, c'est des excellents repêchages. Écoute, là, il reste à les développer. Puis là, j'ai confiance en Joël Bouchard. Là. Il va rester développé. Puis je pense que Joël va bien faire. Oui, écoute, là, on s'emballera pas trop vite non plus. Le Ouais. Canadien est pas sorti de ses années de vache Non, maigre, non, mais non. On par voit un contre, peu on la lumière commence au à tunnel. voir. Oui, on voit un peu de lumière, puis c'est ça qui est encourageant, puis c'est ça que les gens veulent voir. L'équipe du Canadien, cette année, c'est qu'est-ce que les gens remarquent le plus, c'est l'éthique de travail de cette équipe-là. C'est ce qu'on n'avait pas. L'esprit d'équipe ne semblait pas être au rendez-vous l'année passée. C'est sûr et certain que quand tu perds, c'est difficile d'avoir un bon esprit d'équipe. Mais on dirait que le départ de Pacioretty puis le départ de Galchenyuk semble aider à l'esprit d'équipe dans le vestiaire. Ça semble être moins pesant dans le vestiaire. C'est des gars qui attiraient beaucoup d'attention. Les médias étaient sur leur dos beaucoup. Alors, ça créait une situation un peu pesante chez le Canadien. Mais là, avec la venue de Domi, qui amène une certaine fraîcheur dans le vestiaire, ça donne vraiment une synergie qui est différente et puis qui est profitable pour le Canadien présentement. OK, donc là, il va rester l'avantage numérique. Tout n'est pas parfait, là, soyons honnêtes, mais en tout cas, on voit la lumière au bout du tunnel. Tu sais, l'année passée, il n'y avait pas de joueur de centre, on n'en voyait pas un. Mais je reviens sur Max Domi. Max, tu sais, tu te rappelles le fameux plan, là? C'est le fameux plan l'année passée, on disait, on soupçonnait le Canadien que le plan, c'était John Tavares. Tavares n'a même pas voulu parler aux Canadiens. Puis finalement, tu regardes la liste des scoreurs, je ne sais pas si ça va te toffer. Mais Domi a plus de points que Tavares, puis c'est pas le même style de joueur, là. Ouais, mais il faut pas comparer non, non plus. Je là. Sais, on là, mais dans, c'est... Là, on n'est pas dans la même qualité. Non, non, je sais, mais tu sais ce que je veux dire. Non, mais moi, qu'est-ce que je retiens le plus, là, Danny, c'est que à la fin de la saison, dans la conférence de presse que Marc a faite, la chose qu'on a parlé, c'est qu'il voulait changer l'identité de l'équipe. C'est ça, là, qui pesait le plus lourd chez le Canadien. Puis Tabarouette, son plan qu'il a fait, il a changé l'identité. Là, tu le vois, c'est différent, l'atmosphère. L'éthique de travail est remarquable chez le Canadien. Domi a apporté cette énergie-là. Tatar a embarqué dans le système. Puis là, ça a donné des ailes à Drouin. Puis ça fait que les autres embarquent. Puis il est en bonne chaise aussi. Oui, puis là, ben avec l'avenue que Weber va recommencer bientôt, alors si tu mets toutes ces choses-là ensemble, ça donne ben qu'est-ce que le Canadien recherchait justement. Alors, c'est positif de ce côté-là. Est-ce que le Canadien va être contendant pour la Coupe Stanley cette année? On oublie ça, là. Mais, crime, on monte les marches, une marche à la fois, puis c'est comme ça que t'as la meilleure chance de pouvoir obtenir le succès que tu veux, parce que Danny, on se cachera pas, là, dans le junior ou dans la Ligue nationale maintenant, ben, maintenant ça a toujours été, mais ça passe par le repêchage. Ouais. Tu dois repêcher des joueurs, les développer, les amener à maturité tous ensemble pour avoir une équipe qui vont aspirer à la Coupe Stanley. Alors, on peut plus boucher les trous, puis pogner des agents libres, puis ben, aller chercher un échange de dernière minute d'un joueur qui est rejeté par des autres équipes, puis tu vas le chercher ensuite. Non, c'est qu'on les repêche. C'est le modèle des Penguins de Pittsburgh, c'est le modèle des Blackhawks de Chicago qu'ils ont eu, c'est le modèle des Maple Leafs de Toronto. Alors, bon choix repêchage, malheureusement, égal à saison dans les bas-fonds. Mais tu sais, si ça te permet d'avoir des Kotkaniemi puis d'avoir des joueurs de cette qualité-là, à un moment donné, ben il faut que tu le fasses. Oui. OK. Ben oui, c'est clair. Le Kotkaniemi, je suis content de ne pas dire ça, on l'a eu parce qu'on a fini en bas. Exact. Ces gars-là ne sont plus là quand tu repêches 15e, 16e, 20e, 25e, ils ne sont plus là, ces joueurs-là. Ben, les joueurs de qualité, ça se trouve dans les 8, 10 premiers. Puis ben, il faut que tu sois là pour le repêchage, alors. Ouais, mais si t'es chanceux, ça peut descendre. Les Ryan Getzlaf, ça a été repêché assez tard, mais tu sais, il faut que tu sois chanceux, là. Très chanceux pour faire ça, là. Mais moi, je m'attends pas que Canadien fasse les séries. Je m'attends même qu'après les fêtes, ça va être difficile. Par contre, c'est au moins, on voit la lumière du tunnel, puis je suis bien content pour Marc. À Edmonton, hier, on a congédié Todd McLellan. Je lisais Connor McDavid qui dit que c'était rendu nécessaire. Les Oilers d'Edmonton, les gens qui nous disent que le Canadien devrait finir dans la cave, les gens qui sont contre disent tout le temps la même affaire. Ils prennent les Oilers d'Edmonton en exemple. On dit, regardez, Edmonton ont eu plusieurs choix, les premiers choix overall, puis ça n'a pas levé. Mais quand même, est-ce que Todd McLellan était le problème ou c'était tout simplement parce que... Moi, j'aurais vu Alain Vigneault là, mais c'est un vieux... On a attaché un vieux de la vieille en Connecticut. Ouais, écoute, c'est sûr que nous autres, on va être honnête, on a été surpris lorsqu'on a su que c'était Hitchcock qui remplaçait McLellan. Écoute, moi, on n'est pas dans les quatre murs à Edmonton. Je ne sais pas comment que le message avec McLellan ça se passait. Mais quand un joueur de la trempe de McDavid dit que c'est un mal nécessaire, il faut croire qu'il y avait peut-être un malaise, là. Et écoute. Peut-être qu'ils ont besoin justement d'un coach d'expérience qui va peut-être plus comprendre les joueurs. Hitchcock, il faut lui donner faut donner le crédit, jusqu'il a pris des équipes qui n'allaient pas très bien. Moi, je me souviens, entre autres, à Saint-Louis, qui s'en allait nulle part. C'était une équipe sans identité. Lui, il est arrivé là, puis il a redressé cette équipe-là qui en avait besoin. Je pense pas que ce soit le plus grand tacticien au monde, mais c'est un gars qui a l'air de vendre un système que tous les joueurs achètent. Alors, est-ce qu'il va faire mieux que si ça avait été un Alain Vigneault ou si ça aurait été un Kenville ou quoi que ce soit? Et peut-être qu'il va faire un meilleur job, mais c'est sûr et certain qu'on a été surpris du choix de ce côté-là. Là. Est-ce que Mike Sullivan est le prochain? Écoute, il y en a beaucoup, je pense, qui sont sur le bubble, comme on dit. On marche au résultat, hein. On veut avoir des résultats. À un moment donné, un coach, quand tu congédies un coach, Danny, moi, j'ai toujours dit ça, tu congédies pas un coach pour ses manques de compétences. Tu congédies un coach parce que son message ne passe plus à l'intérieur d'un vestiaire X. Et c'est là qu'on fait, parce que la preuve, c'est que tu prends ces coachs-là qui se font congédier, puis ils se trouvent une nouvelle équipe, puis ils obtiennent beaucoup de succès. Alors, ça va avec le message. Quand tu es rendu un coach de la Ligue nationale, là, c'est parce que tu as des compétences. Là. Ouais, tu ne te rends pas dans la Ligue nationale un tirage au sort. Là. Ouais. Alors, mais c'est de voir ton message, comment il passe. Tu sais, regarde Tortorella, il passe pas à certaines places. À Vancouver, il passait pas. Là, il obtient du succès avec Columbus. À New York Rangers, c'était difficile. Il a eu du succès à Tampa Bay, tu vois. Fait que d'une équipe à l'autre, c'est des identités différentes. Puis c'est des coachs avec qui le message peut mieux passer. Alors, on verra bien avec Hitchcock. OK. Marc, on se reparle. Bon séjour en Ontario, puis on se reparle dans une couple de semaines. Parfait, Danny. Collaborateur Marc Fortier.